Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, et cette semaine c'est Bulle de rêve, émission consacrée au cinéma d'animation. Cette semaine on va parler de la fête du cinéma d'animation, la troisième fête du cinéma d'animation. Donc nous avons un certain nombre d'invités que je vous présente. Denis Clabot du cinéma Apollo à Pontecorvo. Bonjour Denis. Bonjour. Alberto Del Fabbro de la Cinémathèque Française, bonjour Alberto. Bonjour. Ghislaine Zanos de la BPI à Beaubourg, bonjour Ghislaine. Bonjour. Annabelle Sebag, de retour, de l'association La Vache à Plume, mais de Bulle de Rêve, bien sûr. Bonjour. Bonjour Annabelle. Et Serge Kornmann. Bonjour. Fidèle au poste. Bonjour Serge. Bonjour. Alors, comme vous le savez, vous commencez à connaître maintenant la fête du cinéma d'animation. C'est la troisième édition qui commence le 20 octobre et qui se terminera le 28 octobre, donc 9 jours de festivités. Je vous rappelle que cette fête du cinéma d'animation est à l'occasion d'une journée mondiale, le 28 octobre, qui commémore la première projection d'Émile Reynaud, le 28 octobre 1892, au musée Grévin. Et je pense que je vais passer tout de suite la parole à Serge Kornmann, qui va nous rappeler un petit peu qui était Émile Reynaud. Eh bien, Émile Reynaud était celui qui a perfectionné tous les jouets issus d'expériences scientifiques destinées à prouver que l'œil et nos sens, c'est-à-dire le cerveau, nous trompaient, puisque on nous fait croire que des images fixes sont en mouvement quand ces images défilent trop rapidement pour qu'on puisse les saisir une à une, sauf dans le cas d'une vision extraordinaire, qui, à ce moment-là, il n'y aurait pas de cinéma pour des cas de cette espèce. Alors, je vous rappelle qu'au XIXe siècle, on avait utilisé le disque et la bande. Nous retrouvons tout ça avec la vidéo et le disque maintenant. Sauf que, chez Reynaud, c'est la bande qu'il a emportée sur le disque. Pour une raison bien simple, c'est que le disque en carton avec ses fentes qui tournaient autour d'un axe placé devant le miroir, avec tout autour les phases des mouvements du personnage, sans décor, sans rien, qu'on faisait tourner, puis à travers les fentes, on regardait le résultat, c'est-à-dire nos sens trompés, tous ces 8 dessins fixes dans des phases différentes chacune, nous donnaient l'impression de voir un mouvement continu, une cavalière par exemple, ou une petite fille sautant à la corde, et quand on avait vu ça 15-20 fois, eh bien, on passait à un autre disque. Mais il y avait une façon plus simple et plus reposante de voir ces mêmes images en mouvement en mettant les phases sur une bande, et ça a donné des appareil dont un des prototypes est le zoétrope, un tambour en fait, avec des fentes qui tournent, et à l'intérieur on plaçait des bandes avec les phases du mouvement, on faisait tourner tout ça, et puis évidemment on voyait le mouvement. Ça aujourd'hui encore, on s'en sert dans des ateliers pour donner des principes de l'animation à des enfants qui peuvent eux-mêmes confectionner les bandes. C'est pas cher, mais premièrement il n'y a ni décor, ni vraiment d'action, et puis évidemment le mouvement est simplement un mouvement unique. Alors, Reynaud a commencé par perfectionner ce tambour, donc avec la bande, en inventant le praxinoscope, principe du tambour, mais muni de 12 prismes pour réfléchir les phases dans les miroirs. Et les images sont de ce chef beaucoup plus nettes, plus claires, et le mouvement est plus souple. Ça, c'était en 1877 et il a lui-même fabriqué cet appareil avec quelques ouvriers. Ça se vendait comme jouet et c'était aussi utilisé par des scientifiques, évidemment, qui voulaient prouver comment le mouvement, par exemple, d'ailes d'oiseau et tout ça, comment ça se faisait en réalité à partir de photos et qui étaient prises très rapidement. Et à ce moment-là, on pouvait voir le mouvement reconstitué. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était l'analyse. Tandis que pour le jouet, c'était si vous voulez, cette espèce de surprise de voir des dessins qui bougent pour les salons. Il y avait 9 bandes enfantines fabriquées par Reynaud lui-même. Il a transformé ce jouet en théâtre, donc praxinoscope théâtre, 2 ans plus tard. Il a commercialisé en 1879. Il y avait 20 bandes comme pour l'ancien appareil, mais aussi 8 décors interchangeables, ce qui fait que on y avait une variété dans la scène, et la petite fille qui saute à la corde pouvait sauter dans la rue, pouvait sauter dans le salon, pouvait sauter à l'école, que sais-je, pouvait augmenter la fantaisie, et de plus un effet de perspective, et ça c'est très intéressant, a été produit. Les personnages se déplacent aussi en profondeur, un petit peu comme si on recourait au travelling avant. C'est-à-dire que nous, spectateurs, nous pénétrons à l'intérieur de l'écran. Nous sommes attirés à l'avant, comme le conducteur de l'automobile devant, celui qui tient le volant, voit le paysage bondir vers lui. Et cet effet en dessin animé est très important. Émile Reynaud l'a produit avec ce second jouet. En l'année suivante, en 1880, il a pu projeter ces images-là, à la fois les décors et les bandes, projetées sur un petit écran avec l'appareil précédent. Et c'était des dessins en couleur sur des plaques de verre réunies en bandes par des entre-deux d'étoffe, plus un ampascope pour projeter le décor. Et l'ensemble était donc surimpressionné, si vous voulez, sur l'écran. Et de là est parti, 9 ans plus tard, en 1889, le fameux théâtre optique. Et ça a donné le spectacle des pantomimes lumineuses à Paris, au musée Grévin, où pendant 10 ans, Émile Reynaud, donc avant l'invention du cinéma, qui elle officiellement, le cinéma officiellement date de cette fameuse séance du 28, ceci, un 28, le 28 décembre 1895, tandis que Reynaud a commencé en 80, le 28 octobre 1892, et ses projections au musée Grévin. Nous fêtons actuellement cette date dans cette troisième fête du cinéma d'animation. Nous avons bien le 28 octobre, qui est soit une séance unique où nous projetons la suite d'Émile Reynaud, c'est-à-dire le dessin animé cinématographique et ce qu'on appelle film d'animation, utilisant la technique de l'image par image, ou maintenant la technique de l'ordinateur, évidemment, c'est toute la suite. Nous commémorons cela, ou bien nous pouvons aussi, comme nous le faisons en France, consacrer toute une semaine où l'aboutissement est le 28 octobre, date donc ce 28 octobre de la première séance de dessin animé. Et quand je dis cela, il ne s'agit plus de courtes scènes, de courtes phase, mais vraiment d'une action avec plusieurs personnages, avec un accompagnement de musique au piano, une partition originale, avec des bruits synchronisés, avec parfois du chant même qui se superpose quand un personnage chante, un amoureux par exemple, et une séance avec plusieurs films d'une durée de 5 minutes chacun. Ça faisait donc une petite séance de cinéma. Il y eut plus de 500 000 entrée, dirait-on aujourd'hui, mais personne ayant vu c'est un chiffre approximatif, il est dépassé, ayant vu ce spectacle qui est mort en 1900, parce qu'après la naissance du cinéma, évidemment, les gens voulaient voir la réalité photographique. Et Émile Reynaud s'est, rassurez-vous, converti. Il a pris des photos, des phases, naturellement, des mouvements, et les a assemblées sur une bande qu'il a inventée, une bande perforée, qu'il a inventé dès le début. Donc ça, c'est son invention à lui, la bande perforée permettant de faire une synchronisation extrêmement poussée. Et il a peinturluré ses photos, appelé cela photopeinture animée. Il y a eu en 96 Guillaume Tell et le premier cigare, et en 98 les Clown Price. Et en 1902 même, donc après la cessation de son contrat, il a cherché désespérément à produire de la stéréoscopie, c'est-à-dire du cinéma en 3 dimensions. Il est arrivé à projeter un portrait stéréoscopique animé, mais son projecteur n'était pas tout à fait au point. Voilà ce qu'il faut dire de ce grand homme qu'est Émile Reynaud, dont nous célébrons naturellement le 28 octobre 2004 l'anniversaire. 112e anniversaire, j'ai Voilà. compté. Et je pense qu'il est bon de dire, peut-être en un mot, comme les Américains font maintenant dans le dernier livre qu'il existe, par exemple dans le livre Animation Art, qui est apparu chez Flame Tree en 2004, assez récemment en Angleterre, un grand livre de poids qu'on peut poser sur une petite table, là, dans la salle d'attente d'un docteur, par exemple, et feuilleter, c'est fait pour ça. Eh bien, le nom est mentionné et je vous traduis aussi ce qu'on met sur lui, une seule phrase. On dit « Les gens qui sont un peu plus érudits pourraient suggérer que Émile Reynaud est l'un des pères, enfin, ou est le père plutôt du dessin animé. » Voilà, il y a toujours des polémiques sur les inventeurs, oui, comme oui, oui, cinéma ça. Et tout ça. C'est pas bien grave, c'est maintenant, pas grave du avec tout, la journée mondiale. Avec la journée mondiale, maintenant, c'est une reconnaissance officielle. Et d'ailleurs, les Américains célèbrent cette journée mondiale maintenant, donc un petit peu partout dans le monde. Il y aura 30 pays à peu près qui vont célébrer la journée mondiale du cinéma d'animation. Et à ce propos, je voudrais encore citer rapidement que dans un livre aussi assez récent, il y a 3 ans à peine, Remembering Walt, avec beaucoup de collaborateurs qui se souviennent de Walt sous divers aspects, la première photo du livre est une photo pleine page, grande page, où on voit le jeune homme Walt Disney posant devant un praxinoscope. Alors, pas l'appareil de projection des pantomimes lumineuses, mais comme tout a débuté, il a son propre praxinoscope de collectionneur, et lui savait qui avait inventé le dessin animé. Lui, dit-on, et lui disait non, Émile Reynaud et Émile Cole. Aussi a-t-il eu la Légion d'honneur, mais pas avant la guerre, mais pas Émile Reynaud et pas Émile Cole. Eh oui, c'est comme ça. Écoutez, on va faire une première petite pause musicale, si vous voulez bien. Et puis après ça, on se retrouve avec Alberto Del Fabbro, où on va parler d'une série anglaise, enfin britannique plus exactement, Jerry the Tyke. Donc on va écouter un petit peu de musique. Écoutez, on va écouter quelque chose de gay pour commencer. Je vous propose d'écouter Ray Ventura et ses collégiens. Le titre de la chanson, c'est aussi le titre du film d'où est tirée la chanson, c'est « À la Miaou ». Je crois que c'est le titre du film aussi, d'ailleurs. Peut-être que je suis en train de dire une bêtise. Je crois que je suis en train de dire une bêtise, mais c'est pas grave. Néanmoins, le film est très bien et la chanson est très agréable. Donc, on écoute À la Miaou de Ray Ventura et on se retrouve avec Alberto Del Fabbro. Mais une coquette vous demande un jour quelle saison est la plus chouette pour rêver d'amour. Ne dites pas que la meilleure date c'est mars ou fin septembre. L'époque la plus adéquate c'est celle que chante les chattes. À la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, on fera les 400 coups. À la miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. À la miaou, les filles n'ont pas peur du loup. Et si la belle vous dit soudain, j'adore les fourrures, quand encore-je mon ragondin, chanter d'un air badin. À la miaou, c'est bien plus économique, voyons. À la miaou, il y a de la joie pour les matous. Je me souviens lorsque naguère j'ai passé mon bac. Comme j'étais pas une lumière, j'avais plutôt le frac. Le prof d'histoire me demanda, quand donc est né le chat de Perse, hein? Dès l'instant qu'on parlait du chat, j'ai dit, eh ben voilà. À la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, il y a de la joie pour les matous. À la miaou, on se sent plus dynamique. À la miaou, on s'amuse comme des fous. Je connais une auvergnate qui aime un bougnat. Quand elle dit « Ah, pas les pattes !» j'écris « Foustra !» Quand j'ai dit que tu me donneras tout ce que tu possèdes, pour l'instant, répond-elle au gars, il n'y a pas question de chat. Eh ben, de chat. Ben oui, et alors? Ben de chat. Miaou oh, oh, oh, oh. À la miaou, à la miaou, à la miaou. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et ses bulles de rêve. Donc on écoutait « À la miaou » de Ray Ventura. Alberto Del Fabbro me rappelait que c'était probablement « Nous irons à Paris » ou « Nous irons à Monte Carlo », un film de Jean Boyer. Voilà. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est très plaisant. C'est très léger, c'est comme la chanson. Voilà, ça nous donne un petit air d'été alors que le temps est absolument désespérant, en tous les cas dans la région parisienne. Alberto Del Fabbro, vous êtes un peu le monsieur animation de la Cinémathèque française, non ? D'où vient cet intérêt pour le cinéma d'animation ? Tout ce qui est un peu ancien aussi m'intéresse, parce que, bien sûr, dans l'animation, tous les animateurs se sont référés à leurs prédécesseurs, et donc, que ce soit Disney ou les frères Fleischer, il y a toujours eu, certains, sur Émile Cole, bien sûr, le premier qui a fait de l'animation, mais aussi... un personnage qui est moins connu, qui était Crazy the Cat, qui est déjà en 1910, dans les années 10, sévissait en Amérique avec son compagnon qui était Ignace Mouse, une petite souris. Et donc est venu par la suite, bien sûr, Félix le chat, à la miaoute. Et puis, en Angleterre, au pays de Galles, deux ex-projectionnistes se sont dit un était un animateur, l'autre photographe, très influencé par les bandes dessinées. Ils ont créé un personnage qui était qu'ils ont appelé Jerry the Tyke, et qui était un peu le cousin de Félix le chat. C'était aussi, ça a été produit par la Pathé British, qui passait dans ses magazines avant Félix le Chat. Et donc, du coup, ils ont substitué Félix le Chat par Jerry the Tyke. Mais ce personnage est passé, a été comme occulté par toutes les biographies. Comme ça, on entend, personne ne connaissait Jerry the Tyke jusqu'au jour où, à Port-Denon, enfin à Sachil, aux journées du cinéma muet, qui est le plus grand rassemblement de films muets dans le monde, et de tous les historiens qui viennent avec leurs films. Et donc, on a découvert ce personnage, Jerry the Tyke. Mais c'est pas un chat. C'est pas un chat. C'est un chien. Un chien qui est plutôt bâtard, pas du tout le joli petit chien, etc., qui est pas très correct toujours non plus, et qui est... mêlé un peu à toutes sortes de sauces. Il peut jouer, on le voit dans diverses manifestations sportives, comme le golf, le football, etc. Et puis, il y a toujours des clins d'œil aussi à ses prédécesseurs, comme Félix le Chat, mais aussi au cinéma burlesque américain. Il y a des fois, on voit une affiche de Chaplin, donc c'est référence. Donc, j'ai voulu ramener ces films à Paris. Et ce sera peut-être la première fois que Jerry the Tyke est présenté à Paris, parce que je ne pense pas qu'il ait franchi la Manche. Et il a été montré en Grande-Bretagne. Il a été montré en Grande-Bretagne, dans le circuit Pathé British, dans les ciné-magazines qu'ils avaient. Et donc, ça précédait toujours les ciné-magazines de ce personnage. Et c'était entre 1925 et 1927, il y a eu à peu près une série qui a fait à peu près 60 cartoons. Et donc, nous, on en présente à la Cinémathèque française le 25 octobre à 19h, à Salle Chaillot. 21 cartoons, c'était les 21 cartoons qui ont été présentés en 2002 et 2003 à ce festival des journées du cinéma muet à Port-Denon de Sachile. Et même cette année, il y aura une nouvelle série qui sera présentée. Le festival se déroule en ce moment. Et on pourra en découvrir d'autres par la suite, disons. Et le conservateur, qui est John Reed, qui est de cette archive, la Cinémathèque du Pays de Galles, sera présent aussi à la soirée d'ouverture, le 25 octobre. Et on pourra peut-être en savoir un peu plus, parce que ce personnage est un peu mystérieux pour les historiens et les cinéphiles, où on se réfère à peu de choses. Mais il doit pas être tout jeune, hein, le producteur. Le conservateur, Le conservateur. Le producteur, j'imagine. Parce que les années 20, quand même, ça me paraissait un peu. Voilà. Bizarre. Donc, ce sera, je pense, une des grandes découvertes de cette fête. Et on en saura un peu plus par la suite. Parce que. John Reed pourra en parler, comment il a conservé ses films et comment ils sont revenus à la surface, disons. Mais parce que c'est quand même un mystère, ça. Pourquoi c'est si peu connu? Alors, en général, les cartoons britanniques, parce qu'il y en a eu pas mal, elles sont quand même très peu connues par rapport à ce qu'on a fait aux États-Unis. Oui, je peux témoigner un petit peu moi-même. Moi, je faisais en 1964 des recherches sur Bonzo, un autre chien. Celui-là, par contre, a atteint une très grande célébrité parce que d'abord, il était issu d'une série pour magazines et journaux. Donc un chien aussi, hein, qui joue des tours et qui a des aventures. Et c'était considéré comme la grande série du temps du muet, alors des dessins animés complets, pas faisant partie de magazines. Dans les magazines, il y avait, comme dans la presse, un petit comique, un petit film éducatif, tout ça, ça durait 2-3 minutes. Et à la fin, il y avait 2 minutes et demie à 3 minutes de dessins animés. Quand les Félix sont passés, par exemple, et Félix le chat, juste avant la création de Jerry, eh bien, ils étaient sous forme coupée. Tandis que Pat Sullivan exigeait que ces films soient montrés en entier, des bobines de 6 minutes ou 7 minutes, n'est-ce pas ? Et les Anglais les coupaient en plusieurs petits morceaux et ajoutaient ça au magazine, au pâté magazine, jusqu'à ce que Sullivan l'ait appris. Ça s'est fait derrière son dos. Il a changé de distributeur à ce moment-là en disant, moi, je veux que mon film soit donné au complet, chaque fois, bobine par bobine, et non pas coupé en petits morceaux. Et alors, à ce moment-là, Tyke est né, et d'autres séries aussi. C'est à l'américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Bonzo était connu aussi par des livres, quand les Anglais font des choses comme ça, il y a généralement, pour Noël, un album qui montre Bonzo sous tous ses aspects, avec des petites histoires et tout ça, un vrai genre de magazine sous forme de livre, n'est-ce pas ? Et ça, c'était tellement... Et puis des albums illustrés, c'était un succès de l'édition. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui dépensent une fortune pour avoir ces albums. Je les avais en main, j'en ai pas un seul chez moi, mais j'ai vu des cartes postales illustrées, j'ai vu des cendriers, des objets. Enfin, c'était exploité. Et j'avais vu en 1957 un de ces films à la Cinémathèque de Londres. Alors j'étais extrêmement surpris par la qualité de l'animation et je voulais savoir ce qui en était. Alors j'ai fouillé dans les caves du British Film Institute, tout était dans la cave, non classé, dans la poussière, et j'ai tiré les vieux, n'est-ce pas, les vieux magazines professionnels que lisaient les directeurs de cinéma, les distributeurs. Et puis j'ai trouvé, par hasard, Jerry the Troublesome Tyke, ça c'était le titre tel que je l'ai recopié d'un nommé Sid Griffiths. Et à ce moment-là, je me suis dit, Sid Griffiths, qui c'est ça? En fait, j'aurais pu le rencontrer chez mon ami John Hallis, parce qu'il était caméraman sur Animal Farm, n'est-ce pas? Animal Farm, le premier dessin animé de long métrage anglais. La ferme des animaux en français. En 1954. Et encore en 64, quand j'étais au studio, il était caméraman. Mais je ne savais pas qui c'était. Et je ne savais pas qu'il avait fait Jerry the Tyke. C'est seulement après que je l'ai appris. Et on sait s'il a fait d'autres films? Oui, il en a fait d'autres. Par la suite, Sid Griffiths est resté au studio de Dyer, ça c'était un Hanson Dyer, D-Y-E-R, le studio dans lequel s'est terminé La Bergère et le Ramoneur de Saru, n'est-ce pas, avant l'exploitation. Et dans ce studio, eh bien, Griffiths occupait la place de chef de studio, il était animateur, n'est-ce pas, puis il a continué, puis ce studio a été absorbé par Alison Bachelor en partie, c'est-à-dire quelques-uns des meilleurs artistes sont restés. Alors avant la guerre, il y a eu en 1935-36 une série très, très célèbre et un dessin animé, le dessin animé très poussé sur le plan de la réalisation et de l'animation en couleur, tout ça. C'était Sam, le soldat, Sam the Musketeer. Et là, il y a une série de au moins 5 films, 6, 7 peut-être, je m'excuse d'être précis, mais avec la voix de Holloway, qui était un des grands artistes de music hall. et une série très, très connue. Quand le jeune Halas est venu qui a fondé Halas & Batchelor avec Joy Batchelor, est venu à Londres, il a essayé d'obtenir une place dans ce studio qui existait, où travaillait Griffiths, évidemment. Et il m'a dit à moi, nous étions considérés comme pas assez bons pour faire partie de l'équipe, n'est-ce pas, mm-hmm. à l'époque. Puis après, c'est lui qui a, en fait, absorbé le studio pour Animal Farm. Mais ça, c'est un petit peu long, puisque nous parlons de Jerry the Troublesome Tag. Alors, qu'est-ce qu'a fait la presse elle-même, la presse professionnelle? Eh bien, elle a mis un ou deux pavés, sans images, sans rien, de Tag. Et il y avait des résumés de courts-métrages, très souvent, quelques lignes, une petite critique, parce que les critiques de ces journaux-là voyaient les courts-métrages aussi, documentaires, et tout ce qui passait. Ils en parlaient un petit peu, mais là, comme c'était tellement court, ils citaient simplement qu'il y avait dans le Pathé Magazine ceci, ceci, ceci, et puis un dessin animé avec Tarek. Et quelquefois, ils mettaient une ligne, l'action. Par exemple, vous avez peut-être vu cela, par exemple, le tout premier que vous passerez sans doute, oui. Il mettait que là, il y avait des décors photographiés, pas des décors dessinés. Oui, on voit les studios de Pathé. Oui. Et que ça, ce n'est pas une bonne idée, qu'il faudrait abandonner tout ça. Et dans le 19-11-25, j'ai noté dessin animé habile, mais à court d'idées, c'était The Expedition, l'expédition. Dans celui du 17-12-1925, c'était un dessin admirable à présent, davantage d'idées, reste le scénario à améliorer. Dans le numéro du 21-1-26, j'en cite encore juste deux, il y a Jerry Pianiste, c'était un numéro à la Grock dans The Deputy. Grock, c'était le grand clown, pour ceux qui sont trop jeunes pour savoir. Et il y a eu un film sur Grock qui est sorti après 1946. Enfin, le 9-11-26, donc vers la fin, la critique était peut rivaliser, donc de Jerry the Tag, peut rivaliser avec la qualité de Max Fleischer. Et à ce propos, vous qui avez vu les films, qu'est-ce que vous pensez de ces dernières remarques? Oui, que c'était aussi intéressant que Félix le Chat pour certains de ses films, qui calquaient quand même pas mal aussi dans au niveau des synopsis. Avec le côté absurde. Voilà, c'est un croquis très simple. Et en même temps, on retrouvait aussi la connivence entre l'animateur et le personnage. Souvent, on les voit ensemble, parce qu'il y a des images de prise de vue réelle. Comme chez Fleischer, par exemple, voilà, aussi. Ou comme la série de Out of Inkwell. Le clou avec Coco le clown. Oui, Fleischer, comme on le prononce en Amérique, c'est le producteur de, pour ceux qui ne sauraient vraiment pas, de Popeye, Mathurin le marin, n'est-ce pas? Oui, de Betty Boop. Et puis Betty Boop, évidemment, pour les messieurs, le voyage de Gulliver, et aussi Mr. Bag Goes to Town, dont nous avons parlé, entendu une bande sonore ici même, un extrait en son temps, dans une ancienne émission d'il y a 3 ans, quand nous étions tous jeunes et beaux. Et le Superman. Oui, et Superman, oui, c'est tout. Oui, voilà. Et puis Stone Age Cartoons, c'est un nom, mais je parle des choses les plus connues, parce que si je dis Fleischer, ça ne dit peut-être rien à personne, mais si je dis Popeye, évidemment, on sait que ce n'est pas n'importe ou quoi. Ou Popeye en français, c'est une plutôt Popeye en français. Ou Popeye, oui, comme vous voulez. On l'appelait Mathurin, en fait. Un joyeux Mathurin, on sait, les cinéacs, par exemple. Alors, on n'a pas parlé de la durée, tous ces cours variaient entre 3 et 5 minutes. Oui, c'est très court, oui. C'était juste pour mettre avant un autre film, bien souvent, et c'est un programme complet entre dessins animés, documentaires, et puis le grand film. Et en même temps, on retrouvait aussi toujours, comme on disait, des références donc à Crazy Cat pour certains films, parce que c'était tiré des bandes dessinées d'Herriman.